Les lundis douteux. Chaque lundi, depuis 10 ans, au pub Brouhaha, 5860 avenue de Lauriers. Chaque semaine, un film louche, un humoriste de la relève, l'enregistrement en direct de 70% et un set de VJ invités. Les lundis douteux. Apporte ton sourire et tes cousines, puis dis-leur que c'est toi qui paies parce que c'est gratis. Ici Stéphane Bureau, qui a certainement l'ambition un jour de pouvoir incarner le rôle de Jared dans Roboflick 2. Vous êtes à l'écoute de 70% avec les guélurons de l'information. C'est nous autres, ça! Un long passage pour représenter la vie et de chaque côté, des enfants seuls, oubliés. Avec beaucoup de sensibilité, ça pourrait être superbe. J'ai jamais vraiment compris pourquoi cette chanson-là, Les enfants oubliés, c'était une chanson de Noël. Ça parle d'enfants qui souffrent dans des caniveaux. Donc voilà. La magie de Noël prend toutes sortes de facettes et d'images. Pour nous, au musée, à douteux.org, pour moi en particulier, c'est bien entendu la journée où le Sauveur nous a été donné, l'être de lumière qui est venu pour unifier l'humanité sous sa beauté et son règne. C'est bien entendu Justin Trudeau, grand frère de Sacha Trudeau, qui est lui aussi né le 25 décembre. Le 25 est fort dans leur famille, il faut leur donner ça. Donc, merci d'être là en grand nombre, malgré la température. On ne peut plus, Mossad, de ce Boxing Day de Noël 2016. On est très content de vous avoir pour ce cabaret. À partir de maintenant, c'est vraiment tout le monde qui peut venir parler. Il y a moi ou il y a Jonathan Simon qui sont à votre disposition pour peut-être donner votre nom si vous avez comme « j'aimerais aller faire un compte de 3 minutes tantôt » ou « j'aimerais aller compter une joke déplacée de 4 minutes ». On prend tout. Fait que ça va durer à peu près 2 heures. Et juste après, on va avoir un set de VJ divisé en deux entre l'excellent Mathieu Boudreau et la très sympathique Florence Payette. Ça va être quand même quelque chose parce que je pense que Florence, ça va être sa première ou deuxième fois et elle a un sens de l'humour qui m'a conquis tout de suite. Donc, sinon, on va commencer avec le cabaret de Noël. Et pour débuter, on va écouter encore une fois, s'il vous plaît, mon cher... un jingle que les deux folles nous ont fait. Ça va être officiel. Merci d'être avec nous. De Noël, de Noël, de Noël. Merci à notre technicien Mathieu Potvin. Ah, c'est tellement à point pour commencer ça. Donc, je vais me permettre de commencer, d'ouvrir la patente. Moi, en 2016, ce que j'ai entendu le plus, c'est que c'était une année de marde. Et je suis vraiment pas d'accord avec ça. Je pense que, tu sais, ils se valent un peu toutes les années quand tu y reviens. Et il y a quelque chose que j'ai entendu parler plus que toutes les autres années avant. Et je pense que ça va se réempirer. Et je veux ce soir... vous parlez un petit peu de la mort. Hein? Oui, c'est sûr, c'est la naissance du Sauveur. Il y a eu 2 enfants déjà, tout va bien. Mais on parle un petit peu de la mort. Vous savez, déjà, ça nous a touchés hier, encore une fois, comme peuple. Il y a un Grec qui est mort. Son nom, c'était Georges, qui finit en os, après. Là. Je le connais en Grèce. Et le gars, lui, il a déjà chanté « Last Christmas, I gave you my heart ». Et il a décidé de mourir un jour de Noël. Et là, les gens étaient tristes. Mais pour reprendre les mots de mon ami Bruno, si vous pensez que vous ne l'avez jamais trop entendu, cette toune-là, je pense qu'on est abonné. L'humanité est abonnée. Et d'ailleurs, les gens, ils ont comme redécouvert George Michael un peu comme Leonard Cohen. Là. Tout le monde, on était super tristes. J'espère que... En tout cas, tu sais, allez downloader des tunes, au moins, checker. Là. Tout ça pour dire que il va y avoir de plus en plus de monde qui vont mourir à chaque année. Et ça, c'est quelque chose que, tu sais, je veux pas essayer d'enlever de la valeur au deuil que vous avez à vivre quand un de vos artistes préférés attrape quelque chose. Comme moi, Gord Downie, le chanteur de Tragic Lip, c'est quelqu'un pour qui j'ai plus que de l'admiration, mettons. T'sais. S'il veut un massage avec la bouche, je suis capable. C'est dit. Et ce gars-là, cette année, il a pogné un cancer dans la tête. Ça m'a beaucoup touché. Il a eu un spectacle pis tout. J'espère qu'il lève de l'argent pour la bonne cause. Mais passez ça, tu sais, il va en avoir de plus en plus du monde qui vont mourir chaque année. Et je pense que le mieux, c'est de chacun faire face à ça, peut-être ensemble, mais à notre manière. Et là, je vous demande pas d'abandonner non plus, parce qu'il y a la relève qui s'en vient. Parce que Justin Trudeau a fait 2 enfants. Yes! Et donc, je pense qu'on peut réécouter encore une fois, s'il te plaît, mon VJ de Noël préféré, Mathieu Potvin, si tu peux lancer le clip des enfants oubliés qui crèvent dans les rues. Je pense qu'on va écouter ça avant de se lancer dans le cabaret avec notre premier invité. Merci, merci d'être là. On pourrait aller tourner dans les ruelles ou les écoles, je sais pas. Écoutez là, j'ai une idée. Je pense qu'on pourrait aller tourner cette chanson. Tu penses à quoi? Une petite touche symbolique. Un long passage pour représenter la vie. Et de chaque côté, des enfants seuls, oubliés. Avec beaucoup de sensibilité, ça pourrait être superbe. Les enfants du bon Dieu. Bonsoir, est-ce qu'on peut baisser les lumières, s'il vous plaît? J'ai l'impression que cette lumière-là est beaucoup trop agressive. Bon, déjà, c'est Noël. J'étais prêt à tout pour vous parler. Heureusement, ma pizza n'est pas encore arrivée, donc j'ai encore le temps de vous dire quelques mots. Noël, pour moi, ça s'est cristallisé en un souvenir, mais ce souvenir-là n'est pas nécessairement quelque chose de réel. Je ne sais pas si vous connaissez cette chanson inventée par Ginette Renaud à propos d'un traîneau qui s'enfonce dans la forêt. Et puis, cette chanson-là, je l'ai chantée beaucoup quand on traversait le parc des Laurentides puis qu'on était en char avec mes parents dans le temps de Noël. Et puis, tout d'un coup, je me suis mis à penser à ce traîneau conduit par un cheval qui s'enfonce parmi les chutes de neige, les flots de neige sous la forêt, sous les pins blancs de la forêt transsibérienne qui va plus loin au cœur de la forêt. Et au cœur de la forêt, à mesure que le traîneau avance, il se crée un champ intérieur, un champ de glace qui vient toucher les occupants du traîneau en plein cœur. Et à partir de là, ils chevauchent sur le traîneau. Et les grelots du traîneau retentissent d'une magie de Noël. Et à mesure que la magie de Noël finit par entrer dans la conscience des enfants perdus de Noël dans la forêt transsylvanienne sous les pins blancs enneigés, ils s'arrêtent tout à coup et se rendent compte que le cheval est essoufflé. Ils réchauffent le cheval avec un peu de paille. Réchauffant le cheval, il voit un renard qui s'approche dans la forêt. Le renard vient à eux et leur dit « Voulez-vous voir ma forme humaine ?» Et « Pan !» Le renard se transforme en ninja de Noël. J'ai été J'ai manqué ma phrase, dit-il. J'ai été très occupé. C'est pour ça que j'ai manqué ma phrase, car j'avais un assassinat à accomplir à Moscou. Mais en attendant, je vais vous montrer où est-ce que j'habite durant l'hiver. Le ninja redevient un renard. Ils le suivent à travers la forêt. Le cheval, les grelots, chantant au rythme d'un chant de Noël qui glace leur cœur. Ils arrivent près d'une hutte fumante ou près d'un bio où a été fendu du bois repose la tête d'un agneau à la tête tranchée. Ils rentrent à l'intérieur de la hutte et un vieux monsieur courbé vers la cheminée se retourne. Et ce monsieur leur parle avec un accent anglais. Ils ne comprennent pas d'abord les mots de cet accent très british. Ils remarquent que cet homme a un très gros nez. Il leur dit « Mon nom est Richard Starkey. Vous me connaissez probablement sous mon vrai nom d'artiste, Ringo Starr. » Le ninja renard a conduit nos amis à la hutte souterraine de l'hiver de Noël de Ringo Starr. Ensemble, ils écrivent une nouvelle chanson de Noël qui parle d'espoir, d'amour et de mort. Voici quelques extraits de cette chanson qui ont été retransmis sur une écorce de bouleau qui aurait été retrouvée dans un crash d'avion dans les Andes. De Noël, Christmas, everything is possible. De Noël, Christmas, everything is possible. You walk on the snow, in the country, under the pine. You walk in the snow, under the tree, in the pine. But your soul is out and Santa's calling. It's wonderful, thank you. C'était Damien Blas-Bouchard, mesdames et messieurs. On accueille maintenant Mathieu Villeneuve, mesdames et messieurs. Hey, salut tout le monde! Joyeux Noël! De Noël! Il y en a-tu qui ont eu un Noël de marde? Ouais. Bon. Il y en a peut-être. Il y en a peut-être qui ont eu un bon Noël, mais... Il l'a compris. En tout cas, moi, j'ai passé un Noël vraiment, vraiment pas cool. Mais c'était fret en crise parce que je me suis fait kidnapper par un lutin. Je me suis ramassé en Laponie. Ben oui, depuis 3 jours, c'est ça. Je me suis ramassé au royaume du Père Noël. Mais c'est pas comme vous pensez, là. Ça pue le plastique de jouets. Tu piles sur des Legos partout. Puis la mère Noël arrête pas de gueuler après tout le monde, tu sais, finalement. Puis je vais vous dire un secret, là. Cette année, c'est elle qui est allée porter des cadeaux dans la cheminée. La mère Noël. Fait que j'ai réussi à me sauver, mais ça a été dur. Hein. Il a fallu que je me prenne un otage. J'ai pris un lutin. Puis je l'ai forcé à faire de cette vieille paire de patins-là des patins magiques. Des patins de Noël. Magiques de Noël. Merci tout le monde. Mais c'est pas chaud, hein? 8888 km en volant avec des patins. En plus, j'avais un lutin qui se débattait. Il m'a tout déchiré ma chemise. Mais j'ai fini par arriver. Puis quand j'ai mis mes patins sur l'aéroport Trudeau, sur le tarmac, les patins ont arrêté d'être magiques. Ils sont normales à cette heure-là. Vous ne me croirez pas, mais ça s'est passé. Puis le lutin, il est redevenu un vrai lutin en plastique. Puis je l'ai maintenant, je m'en sers. Je suis prêt pour l'année prochaine, OK? Si le Père Noël revient, j'ai préparé des incantations. Puis j'ai même un objet sacré qui va me permettre de l'éloigner. Vadé! Rétro! Santa Claus! C'était Mathieu Villeneuve. On accueille maintenant notre... notre lecteur de nouvelles à 70%, M. Bruno Corbin. Oui, présenté par Red Rain puis cette bière là. Fait que moi aussi je vais peut-être dire de Noël pour avoir des applaudissements de Noël. Là. C'est ça qu'il faut faire à soir. Ça, okay. Ça a tiré. Ben oui, c'est ça. Moi, ce que je viens faire ici, c'est que je viens vous lire. Moi, je parraine un enfant dans un pays pauvre. Là. Je me souviens pas c'est lequel. Fait que je lui ai écrit une lettre pour Noël. En fait, il m'a écrit une lettre récemment. Fait que je lui ai réécrit une lettre pour Noël. Fait que je viens ici vous lire la lettre que j'ai écrite à Jerry, l'enfant que je parraine dans un autre pays. Commençons par les platitudes. Joyeux Noël, Jerry. Parce que c'est Noël, puis tout, l'anniversaire de... Justin Trudeau, voilà. On va jaser des affaires, des vraies affaires, toi puis moi. Et comme on est une famille un peu, là, ben, faut qu'on commence à trouver des raisons pour s'haïr. J'espère que tu vas bien, surtout ici, il fait pas mal froid, il y a de l'eau potable gelée qui tombe du ciel. Puis quand je dis potable, je parle de tes standards. Là. En tout cas, je veux pas partir les Olympiques de la souffrance au début de ma lettre, mais t'as glissé combien de fois en sortant de chez vous aujourd'hui? C'est ça. As-tu suivi les élections américaines un peu? En tout cas, comme t'es dans la gamme de ce qu'on pourrait appeler les plus foncés, tu sais que... Tu pars avec un désavantage, puis tu as le droit de te demander à quel niveau ça va t'affecter. C'est excitant, hein? Pas savoir si tu vas être vivant demain, quand même. En même temps, ça doit faire du bien un peu de savoir à quel point la démocratie, c'est un modèle qui fonctionne pas vraiment nulle part. Mince consolation, tu me diras en enterrant ton 5e petit frère en te demandant si ce serait si grave que ça que le manger cette année. Mais je m'égare. Pour créer un contraste, je joins à ma lettre de multiples photos de mon appartement pour te démontrer à quel point j'ai vraiment beaucoup de stock chez moi. Regarde ma grosse TV. Je la regarde presque jamais, mais j'aime mieux regarder mon laptop écrasé dans mon lit. Mais je pense que je vais m'en acheter une autre bientôt quand même. Ils ont des 5K à cette heure, hein? As-tu vu la résolution là-dessus? Bon, la question est rhétorique, bien sûr, mais avec ça, j'ai l'impression que la vie va vraiment valoir la peine d'être vécue. Réalises-tu que si je vendais tout mon stock, je pourrais probablement parrainer une centaine d'enfants facilement? Mais est-ce que ça me rendrait vraiment heureux? Certainement pas. Mon stock, par contre. Fait que j'espère que tu sais à quel point t'es chanceux d'avoir gagné à la loterie de la charité, même si t'as pas gagné à celle de la géographie. D'ailleurs, shout out à la fille cute qui m'a convaincu de te parrainer. Si c'était pas d'elle, soit tu parlerais à quelqu'un de vraiment plus plate, ou tu serais mort, j'imagine. Je suis pas certain de savoir comment ça marche, ces affaires-là. Comme quoi, la beauté extérieure, ça compte dans le fond aussi, tu sais. Elle m'a dit d'ailleurs que t'avais pas de certificat de naissance. C'est capoté ça, hein, quand même. T'es un citoyen de nulle part. Fait que ça veut dire que si tu meurs dans des circonstances mystérieuses, c'est pas pour être plate, mais je pense pas qu'il va y avoir d'enquête. Chaque année, c'est de bon ton de souhaiter l'amour, la paix et le succès dans tes études. Pour les études, j'espère que tu vas devenir meilleur. La dernière fois, ça m'a pris la traduction de ton professeur pour catcher de quoi tu parlais. Aussi, si c'était possible d'écrire sur des affaires plus intéressantes que le fait que tu vas à l'école. Je le sais que tu vas à l'école. Je paye pour. Je sais pas. Parle-moi de ta famille. As-tu une grande sœur? Es-tu sur Tinder? Des affaires de même. Pour ce qui est de l'amour puis de la paix, pas certain que c'est la solution. Moi puis ma génération, on n'a jamais vécu de guerre puis on a été ensevelis par de l'amour prodigué par des psychologues qui ont appris à nos parents comment nous éduquer. Puis je sais pas si tu sais qui je vois en ce moment pour régler la manière que mes parents m'ont éduqué. Une psychologue. Tu sais, quand on parle de répéter des patterns, elle pis moi, je peux pas m'empêcher de trouver ça ironique. Fait que peut-être que c'est de ça qu'on a besoin en ce moment, un petit coup de pied dans le cul, hein, de la souffrance à la limite du supportable, un meilleur ami qui meurt dans tes bras, la routine pour toi finalement. En guise de cadeau, je t'envoie ce billet de 10 000 shillings de Tanzanie que j'ai reçu en pourboire il y a quelques années. Ça vaut environ 6,25 ici. Juste acheter pour acheter un café. Je sais pas ce que tu peux avoir pour ça chez toi. À la limite, donne le pourboire à ton prof préféré. Non, mais pour vrai, je sais pas quand est-ce qu'il installe un Dollarama proche, là, mais me semble que ça réglerait bien des problèmes. Tu pourrais t'acheter 25 ramen avec ce billet-là. Hey, y a un étudiant qui mange des ramen. Je pense qu'on a un sitcom, Jerry. Bon, je te laisse. Faut que je noie ma dépression dans du divertissement un peu avant d'être capable de m'endormir. Bonne année 2017, pardon. De la haine, de la guerre dans le monde, puis du succès dans tes études. C'était Bruno Corbin! Maintenant, on accueille chaleureusement Marianne Tremblay-Gosselin, mesdames et messieurs. Excuse-moi, j'ai manqué ton nom. S'il vous plaît, quand même, il fait une belle job, hein? Bonsoir tout le monde, vous allez bien? De Noël? De Noël! Ben, écoutez, ce soir, vous remarquerez qu'il manque une folle. Ah, d'habitude, il y en a une de plus, fait que c'est bien de valeur, mais ça va juste être moi. Moi, c'est Marianne, je suis auteur, compositeur, interprète, j'ai un diplôme. Hey, non, mais attends, c'est quelque chose, un diplôme d'auteur-compositeur. Tu montres ça aux gens, ça impressionne personne, sauf ton chum, ta blonde. En tout cas, bref. Je suis venue ici pour vous souhaiter un joyeux Noël, vous dire ma pensée, puis peut-être vous partager une expérience comme ça, parce que ça fait quand même un sacré quoi. On branche pas, finalement? Ah, OK. Ah, allô? Rebonjour. Yo! Alors, c'est ça. En fait, une anecdote, tout simplement. Puisqu'on parle de Noël, je vais vous parler de chorale. Hein? Je pense que vous avez déjà eu ça, des chorales d'église, dans votre bout. Ouais, ben, Saint-Hubert, il n'y avait vraiment rien à faire à part glander dans les abribus. Mais sinon, tu allais à la chorale, tu sais. Puis c'était pas n'importe quoi, c'était la chorale de Sœur Madeleine. Hey, c'était beau. Sœur Madeleine était spéciale. Ça faisait chanter des trucs vraiment trop vieux aux enfants, tu sais, comme « Les souvenirs de nos vêtements sont de jolis papillons blancs. Les souvenirs des jours heureux sont de jolis papillons bleus. » Mais, merci. Non, mais la madame, elle était vraiment dedans. En pleine nuit, la sirène. En tout cas, tout y passait, c'était fantastique. Ceci dit, tu sais, moi, j'ai toujours eu un petit caractère à dire des niaiseries, puis J'étais pas la préférée de Sœur Madeleine. D'ailleurs, je vais vous en raconter une bonne. À la fin d'une saison, Sœur Madeleine, elle était bien contente de notre performance. Fait qu'elle voulait nous offrir une petite croisière sur le Richelieu avec des petits canapés, t'sais. Quelque chose de sweet avec des petits gâteaux. Fait que là, on nous demandait, c'est quoi, vous, votre dessert préféré? Elle demandait à tous les enfants. Puis là, quand elle arrive à moi, elle me regarde, elle dit, « Et vous, Mademoiselle Gosselin? » Moi, madame, c'est les pets de sœur. Après, mais ça, elle m'a regardé d'un air. Puis elle dit, mais grand Dieu, des pets de sœur, pourquoi? Ben parce que c'est mon petit péché. J'ai jamais fait la croisière. J'ai jamais fait la croisière. Ah non. Tout ça pour dire que ça fait longtemps que je chante, puis comme c'est Noël, je me suis dit, on va éduquer un peu les gens du douteux. Vous connaissez-vous l'Ave Maria? Oui. Oui, vous connaissez l'Ave Maria? Connaissez-vous... Non, mais l'original est en allemand, vous le savez. Ah, ouais, c'est Schubert qui l'a composé. Schubert était un compositeur. Allemand! De Noël! De Noël! Ouais! Oh! Fait que si ça vous tente, je pourrais vous en chanter un bout. Ça vous tente-tu? Oui! Oh yeah! Fait qu'on va se lancer a cappella comme ça de Noël. C'est mon défi de l'année. Fait que je sors ça des boulamites. On y va. L'Ave Maria en allemand. Pardon. Je m'excuse. C'est l'allemand qui se manifeste. Alors, on y va. Ave Maria, Jungfrau mild, erhöre eine Jungfrau fair, auch diesen Festern hoch in Wien, soll mein Gebet zu denen wehen, zur denen. Wir schlafen sicher bis am Morgen, ob Menschen noch schon groß am Sehen, o Jungfrau sich der Jahre ob ohne Reine beten geht. Ave Maria. Juste une parenthèse comme ça. Moi, ma prof de chant m'a dit, Marianne, tu ne chanteras jamais. Ah, comme quoi, faites donc ce que vous voulez, hein? Tout simplement. Hey, ça vous tente-tu? Je vais vous faire une de mes chansons? Yes? OK. Hey, c'est le fun, ça! Je gratte le ukulélé, il y a déjà du son dedans, t'es malade. De Noël! Mathieu Potvin. Merci. Une de mes... En fait, c'est ma dernière chanson que j'ai composée. C'est moi, mon Noël à moi, c'est que des... tu sais, des fois, ça va super mal, hein? Pendant un sacré bout de temps. Puis là, moi, je reste tout le temps avec cette mentalité de « ça peut pas toujours aller mal ». Hein? On s'entend. Ça ne peut pas toujours aller mal. Fait qu'à un moment donné, ça va aller bien. Puis comme ça chie pas mal souvent tout le temps, je me dis, à un moment donné, ça va bien virer de bord. Et il semblerait, mesdames et messieurs, que le vent tourne. Yes! Je rencontre de belles personnes, je fais de la musique, je suis heureuse, j'ai le dos pété. Mais fuck, sinon, c'est pas grave ça, c'est des détails. Je ne suis pas ma douleur, Tommy. Je ne suis pas ma douleur. Alors, il n'y va pas. Une petite chanson, parce que, bon, hein, quand t'es sur l'aide de dernier recours, c'est naturellement, tu te pognes le cul. Hein? Fait que moi, quand je me pogne le cul, j'écris des chansons. Alors, on y va comme ça. J'emmerde les gants blancs, les choses qu'on échange poliment, les beaux semblants qui étouffent tout ce qu'on a en dents. J'emmerde les mots à couvert qui occultent tout et qui se laissent faire, se faire manger la chair sur le dos, sous l'œil silencieux des badauds. Autour de toi, on vit la même affaire, atterré par la surréalité de tout un monde prêt à exploser. Je me demande ce qui arrive aux gens. Se sont-ils perdus entre temps? Homme nubilé par la machine, je les comprends. J'ai perdu mes plumes. Jamais mes racines. Je veux prendre le temps de nous parler, parler de nous mauvais et de nos bons coups. Et la super patience peut des fois, mais comme toi, j'apprends, chante une que tout le monde connaît, puis vous chantez avec moi, c'est bon? Yeah! Puis après ça, je vous laisse de Noël avec d'autres chroniqueurs de Noël, de Noël. Yeah! De Noël! Pour ceux qui s'en rappellent, donc... Ouais. 25 years and my life is still trying to climb that great big hill of hope. I realized quickly that I knew that I should die. The world was made of this brother or the man. For whatever that means. And so I cry sometime when I lie in my bed just to get it out of what's in my head. And I'm feeling a bit peculiar. So I wake up in the morning, I stay outside, and I take a deep breath, and I get through. What's going on? And I say, try. Jeudi à l'Atomique Café, 3606 rue Ontario Est. Chaque semaine, un classique de la TV du passé, un set de VJ invités et un film louche. Les Jeudis douteux à l'Atomique Café. Apporte ton sourire et tes cousines, puis dis-leur que c'est toi qui paie parce que c'est gratis. Tu veux participer à l'évolution de Production Podcast? Deviens partenaire et contacte les Productions Podcast en visitant la page Facebook Productions avec un S, Podcast, P-O-D-C-A-S-S-E, ou écris-nous à podcast@commercial.icloud.com. Fais partie de l'aventure Productions Podcast. Pour plus de détails, visite podcast.com. Merci beaucoup. Marianne Tremblay-Gosselin, s'il vous plaît, encore, oui, oui. Allez voir ça, deux folles et un banjo, deux folles sur Facebook. Il n'y a personne d'autre qu'eux autres qui se vantent d'être ça. Genre. Ah, ça va bien à date hein, quand même, mais je me suis dit que j'étais pour venir vous parler un petit peu pour actualiser l'histoire de où vient notre logo. Je le voyais là dans le feu et je voyais qu'il y avait beaucoup d'orange et je trouvais que c'était une couleur qui s'était imposée, mais on sait pas trop pourquoi, sauf qu'on sait pourquoi. En fait... Douteux.org, au début, Simon Chénier, il avait fait quelque chose dans une télévision. Là, je disais que ça ressemblait trop à Total Crap. Puis là, dans ce temps-là, je faisais du basic assez rock'n'roll. Puis j'avais un bandeau de kamikaze. Parce que eux autres, je trouve qu'ils étaient motivés, tu sais. Ils étaient vraiment motivés. Il y en avait un sur 100 qui se rendait sur un avion. Mais en fait, sur un bateau qui se crachait pas dans l'océan. Laissait crever de faim deux jours avant de partir pour être plus léger. Il allait là-dedans sans aucun vêtement pour être plus léger. Comme ça, il pouvait mettre plus de bombes dans les ailes des avions. Et il n'y avait pas assez de gaz pour revenir. Fait que c'était le plan de match. Il était motivé, pas pour des bonnes raisons, mais il était motivé. Et moi, je trouvais ça beau d'être motivé comme ça, pas pour les bonnes raisons. Et donc, j'avais un bandeau comme ça. Je faisais beaucoup de basic. Et lui, il a eu l'idée de faire le haut avec ça. Et là, j'ai trouvé ça sublime du premier coup. Et là, il m'a demandé quelle couleur. Et j'ai dit, ben moi, je dirais pour le orange et brun. Parce que j'aimais beaucoup le A et W. Et finalement, ben on a arrêté sur le orange et gris. Et c'est le logo qui toffe depuis les tout débuts. Oui, bon, oui, c'est l'histoire de la naissance de... Oui, je l'ai dit tantôt hein, que Sacha Trudeau aussi était le nez 25. Oui, OK, je m'entends le dire, puis... En fait, on va écouter quelques petits clips ici pour reprendre le courage d'aller vers ce qui s'annonce, la deuxième partie de notre cabaret. J'invite encore une fois tous les invités à se manifester. On veut avoir vos jokes. Hein? Si t'es capable de me mettre mal à l'aise, je te paye un shooter. C'est probablement quelque chose que je vais regretter tantôt. Il y a deux personnes qui s'y lèvent. En tout cas, pour l'instant, je baisse l'écran, on écoute des clips de Noël. J'ai l'impression que ça va être les Jingle Cats et Michel Louvain. C'est Noël. Déjà Noël. Écoutez, les clochettes, hein, du joyeux. Monsieur, hein? Qu'est-ce qui vous ferait plaisir? Un bon repas chaud? Non, non. Ah, je sais, je sais! Que grosse mitaine! Chaude, chaude, chaude, chaude, chaude! Oui. et des pantoufles en velours. Non, merci. Oh, une maison avec un grand lit et un bon feu. Non, merci. J'ai besoin de rien. Mais seulement. Seulement quoi? Va paisiblement ton chemin à travers le bruit et la hâte. Et souviens-toi que le silence est paix. Autant que faire se peut, et sans courber la tête, sois ami avec tes semblables. Exprime ta vérité, calmement et clairement. Et écoute les autres, même les plus ennuyeux et les plus ignorants. Eux aussi ont quelque chose à dire. Fuis l'homme à la voix haute et autoritaire. Il pêche contre l'esprit. Ne te compare pas aux autres, par crainte de devenir vain ou amer. Car toujours tu trouveras meilleur ou pire que toi. Tes succès, mais aussi de tes plans. Aime ton travail, aussi humble soit-il, car c'est un bien réel dans un monde incertain. Sois sage en affaires, car le monde est trompeur. Mais n'oublie pas que vertu il y a, que beaucoup d'hommes poursuivent un idéal, et que l'héroïsme n'est pas chose si rare. Sois toi-même. Surtout ne feins pas l'amitié. N'aborde pas l'amour avec cynisme, car malgré les vicissitudes et les désenchantements, il est aussi vivace que l'herbe que tu foules. Incline-toi devant l'inévitable passage des ans, laissant sans regret la jeunesse et ses plaisirs. Sache que pour être fort, tu dois te préparer, mais ne succombe pas aux craintes chimériques qu'engendre souvent fatigue et solitude. En deçà d'une sage discipline, sois bon avec toi-même. Tu es bien fils de l'univers. Tout comme les arbres et les étoiles, tu y as ta place. Et quoi que tu en penses, l'univers continue sa marche, comme il se doit. Sois donc en paix avec Dieu, quel qu'il puisse être pour toi, et quelle que soit ta tâche et tes aspirations, dans le bruit et la confusion, garde ton âme en paix. Malgré les vilainies, les labeurs, les rêves déçus, la vie a encore sa beauté. Sois prudent, essaie d'être heureux. C'était les Jingle Cats, mesdames et messieurs. Si seulement mes chats à la maison... Moi, j'ai 3 chats à la maison. Puis, je vais vous dire, si seulement je pouvais, ils pouvaient faire des affaires comme eux autres, je pourrais rentabiliser tout le matériel informatique que mon chat m'a scrappé en mordant les fils. Ça serait génial. Je vous remercie beaucoup d'être là en si grand nombre pour notre cabaret de Noël. Donc, on va commencer la deuxième partie super. Donc, je vous invite aussi à venir me voir si jamais vous voulez venir faire quelque chose en avant, que ce soit une petite blague, une anecdote ou quoi que ce soit. Venez me voir et je vais mettre votre nom dans la liste. Donc, notre prochain invité, je vous présente Arnaud Audette, mesdames et messieurs. Bonsoir tout le monde. Ce soir, je suis chaud raide. Et vous allez comprendre pourquoi. Puis en passant, je voulais dire, moi aussi, là, depuis hier, là, j'ai toujours été fan de George Michael. Fait que, ouais, tout le monde dit genre 2016, pire année, comme Tommy l'a dit tout à l'heure. Puis, ben moi, j'ai expérimenté quelque chose, j'ai essayé de quoi. Tout le monde se plaint tout le temps, là, sur Facebook, on était cœuré. On n'est plus capable. Fait que moi, j'ai essayé de unfollower tout le monde, tout le monde, tout le monde. Puis j'ai followé une seule personne qui m'entertain. Et je nomme Richard Rock'n'Loll. C'est vraiment... c'est un des meilleurs profils Facebook que j'ai vu de ma vie. Puis je vais vous faire une lecture. Puis vraiment, là, moi, depuis ce temps-là, je suis chaud tout le temps. Ouais, non, c'est Rock'n'Loll. Donc, je vous fais une lecture dramatique parce que Richard parle d'une certaine manière. Vous allez l'entendre d'après ma voix. Puis, ouais, ben c'est ça. Moi, c'est ce que je vous suggère de faire. Unfollowez tout le monde. Suivez juste une personne que vous aimez. Puis, moi, là, j'ai un mois et demi, là, de Rock'n'Loll, là. Puis, je vais mieux en tabarnak. Chaud raide. Donc, on commence avec le 4 décembre. Oui, le 4 décembre, d'ailleurs, parce que Richard est comme disparu là, depuis 22 jours. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Il est peut-être mort. C'est pas grave. J'en ai pour une couple d'années dans le passé. Donc, on commence avec le 4 décembre à 1h13 AM. Ah, excusez, il crie beaucoup. Si Pat pis répète était dans le désert... On n'aurait jamais entendu parler, c'est pour dire? Hein? Ben oui! Désert! Ah, environ, il y a 40 points de suspension. Désert! 20 points de suspension. Désert! On enchaîne avec le 1er décembre. Donc, on a eu déjà 3 jours de pause. Je ne sais pas ce qui s'est passé avec Richard pendant ce temps-là. Donc, 3h09 p.m. Moi, j'aurais une compagnie de moulures chromées pour la décoration intérieure. Ben, c'est clair, l'anastie de botte d'ange que les colliers dehors, le style d'épée qui est en charge des étiquettes qui ont collé dessus, qui ne décollent pas. En tout cas, ça servait de la dynamite, là! 7 gemmes. 7. Là, comme quelque chose qui s'est passé, je sais pas, dernièrement, là, vraiment. On remonte déjà au 24 novembre, là, 5h59. Donc, Richard, côté Rock'n'Loll. Hostie, là, je cherche le trouble! N'a-t-il un autre hostie de trou de cul qui est pas content de son dernier panier de Noël? Hostie, je sais pas qui a publié cela, là, mais le trouve plus, là, un hostie de trou de cul qui a déballé sa bouffe de panier de Noël, là, puis il collisse tout presque à la poubelle, là. Pain, yogourt, riz, légumes, canage, biscuits. Le sacrement! J'y ferais bouffer la crèche de canne, moi, je te jure! Pis fini, pardon, je retourne quitter, esti. Non, non, sacrément! La vidéo est plus disponible! Il a écrit RAR. Je repose ma question! N'as-tu un autre, esti, qui est pas content de son assiette pénale? 34 likes. Donc, on y va encore le 24 novembre, la même journée, mais cette fois-ci à 2h01 du matin. Y a trop de coins de molle, puis plus assez de colonnes au Québec! Quand c'est rendu que se tenir debout est rendu criminel, on a un autre petit problème, société. Allô! 15 likes. Yes! Un nouveau fan. Donc, 24 minutes avant ça, le 24 novembre, à 1h35 AM. Tiens, t'envoies une lettre au Père Noël par la poste et un facteur ou whatever te répond. sais pas s'ils vont me répondre. Cher Père Noël, cette année, j'étais célibataire, donc tes cadeaux, tu peux te les fourrer dans le cul. J'ai pas été sage pantoute. PS! Je ne prévois pas l'être l'année prochaine non plus! Merci, à plus, Père Noël! 4 likes. Donc, on y va 10 minutes avant ça. Donc, le 24 novembre à 1h25 AM. Ben oui! Mais il y en a là-dedans qui sont super corrects! T'sais, faut pas généraliser! Ben t'as bien raison, mon prieux de roche! Vu de même, les nazis aussi, il y en avait à avoir des bébés corrects! Hein? De qu'est-ce qu'il fallait pas général? Lisez! J'ai même craché en disant lisez, hein? 8 likes! Donc, on continue avec le 24 novembre, une heure avant, à minuit 25, donc. Puis là, il a, c'est pas un statut long, fait que maintenant, les statuts longs, les statuts pas longs, excusez, ça écrit en grosses lettres, donc je vais le crier encore plus, je m'excuse. Tiens, vous masturbez sur des scènes porno! Ben, pour du réel, il y a MasterCard! 6 likes! 6 likes, hein? Et 4 minutes plus tard, il y a une suite à cette joke. Et dans la même veine! Assois! Oui, je me pète un trip à 3. Ben oui! 1, 2, 3, go! On trip! Mais non, on la connaît, esti! Non! Je vais prendre mes deux mains! Il y a 0 like. Et la nuit du 24 novembre, vraiment, il était chaud raide, comme moi. Et on en a un de minuit 16. Un Québécois puis un Anglais qui pisse. Attention, là, c'est controversé. L'Anglais finit, puis ça rince les mains. Le Québécois finit, puis il vient pour sortir. Puis l'Anglais qui dit, « Ton main, t'as pas appoué à laver ton main, appoué pipi. Non, non! » Ah, excusez, il répond. Le Québécois répond. Il n'y a pas de Q, rien. Le Québécois répond. Non, non! Mon mère! M'a appris à pas me pisser sur les mêmes clones. On a 6 likes. Et attention, le 23 novembre, à 11h59, donc la même nuit, mais. Mais il venait de commencer. Bon, OK! J'en dis... Likez! 4 likes. Le même soir, il est tout le temps chaud. À 10h56... Moi, j'ai averti toute ma famille de pas me brûler. Que ça s'assied! Hey! Il y a un temps où c'était le châtiment ultime. C'était même ça où c'était ça, débarrasser des sorcières. C'était-tu le top en hostie d'un châtiment? Là, vous vous infligez ça par vous-même, ben mon hostie gang la malade. 14 points de suspension. Hostie, que moi, c'est nanon, merci, merci. 14 points de suspension. Anyway! M'a brûlé, je suis pas sûr que la fumée, ça serait bien, bien bon pour l'environnement. Plusieurs points de suspension. Ouais, je vais me faire tatouer ça! Plusieurs points de suspension. En gros! Rouge! Nocif! 20 points de suspension. N'a pas brûlé! 13 likes. Et finalement, le début de la soirée. Enfin! Ça, c'est le bonheur! Y a-tu de quoi de mieux que s'effoirer après une bonne douche fumée, un gringo avec une bonne popper's ice bien frette, après une si grosse journée foirée à rien faire? Ben oui, je vous aime, ma gang de tourpinots et tourpinots. passé une astuce belle soirée, c'est... 31 likes. Et voilà. C'était Arnaud Audette, mesdames et messieurs. Et on accueille chaleureusement Kevin. Hey, salut, moi, mon nom c'est Kevin. Puis là, je vais faire une confidence. Je suis sûr que ça va déplaire à bien du monde. Je suis sûr qu'il y a du monde qui ne seront pas contents, mais moi, j'aime ça le fromage. OK, là? Au risque de déplaire à certains, maudit Hérode, je suis tanné du monde qui aime pas le fromage. Je défends à quiconque de m'empêcher d'aimer le fromage. Je défends à quiconque de m'empêcher de manger du fromage. Puis je défends à quiconque de me prouver le contraire. Maudit Hérode. Bon, là, hier, moi, j'ai fait du PCP, j'étais bien buzzé, là, j'ai fait le party, puis là, je sais même plus de quoi que je parle, la soirée. Fait que là, ah, c'est ça, j'ai le livre en avant. Et je viens vous parler de mon deuxième héros préféré après le gars de Kool-Aid, M. Kool-Aid. Lui, je l'aimais bien gros. C'est mon deuxième héros, c'est Goldorak. Hein? Parce que ma mère, elle m'a acheté un coffret de DVD de Goldorak à Noël, OK? Puis moi, là, quand j'étais petit, j'écoutais ça, Goldorak, mais je connaissais pas bien, tu sais, parce que ça passait sporadiquement, puis, tu sais, il n'y a pas moyen de savoir. Puis ma mère, elle m'a acheté en 80 les origines de Goldorak, OK, là? Puis moi, j'ai tout appris là-dessus, parce que Goldorak, il y en avait beaucoup à apprendre. Puis là, Goldorak, comme j'ai pu voir dans les DVD, ben, ils disent que c'est le prince deux forts. Puis moi, je sais pas c'est qui le prince deux forts, parce que là-dedans, il s'appelle Actarus ou le duc Fleet quand il se déguise en bonhomme, là. Puis moi, là, ça m'a vraiment déplu que la série a fait pas avec ça, parce que moi, j'ai tout appris là-dedans en 80. Puis là, j'arrive, esti, dans la série, esti, puis je comprends rien, maudit Hérode. C'est complètement cave, esti. C'était à eux autres de s'ajuster à mes affaires, maudit Hérode. Moi, en tout cas. Puis là... Je pourrais vous en lire bien gros de ça, mais je vais garder ça pour une autre fois, parce que ça pourrait faire une chronique, je pense, Goldorak, tu sais. On pourrait en parler pendant longtemps, parce qu'il y a plein d'affaires sur Goldorak. C'est super hot. À part de ça, ben là, c'est ça, j'ai fini de parler de Goldorak. Fait que je vais vous conter une histoire de Noël qui m'est arrivée dans les derniers jours. Tu sais, regarde, moi, là, j'ai mon cœur du roi vert. Check. Vert, rouge, blanc et rouge sur ma barbe. Moi, c'est pas mal le temps de Noël, mais là, j'étais extra de Noël, puis je m'en allais au centre culturel de Saint-Donat. Puis là, d'un coup, Martial, le gars qui est le garde de sécurité au loisir Saint-Donat, il m'arrive en pleine face, ben en fait, dans le dos, puis il me crisse une shot en arrière de la tête, puis il dit « Ça, c'est pour les musulmans! » De quoi tu parles, si? « Hey, ton Noël, tu respectes pas les musulmans, on le sait que t'es haï, les musulmans! » Pas en tout, si, il est bien menteur, ce gars-là. Il raconte n'importe quoi. Il dit, je dis, mais là, t'as pas rapport, man. Il dit, ça me rend malade du monde comme toi, si. Puis c'est un asti de menteur parce que je l'ai checké par après, là. Puis il a jamais été malade. Fuck you, Martial, de Noël. C'était Kevin, mesdames et messieurs, on l'applaudit! Alors, je voulais remercier mon principal commanditaire, celui qui m'habille aujourd'hui, c'est-à-dire Woolco Woolworth. Donc, on accueille chaleureusement Jacques Suède! Joyeux Noël, tout le monde! Joyeux Noël! Donc, c'est ça. En fait, mis à part le magasinage, les cadeaux, les rencontres en famille, Noël, avant tout, c'est quelque chose de religieux. Un petit peu pour ça, j'étais habillé en look de preacher, un peu à soir. Et je voulais partager avec toutes vous autres ce soir un passage biblique avec vous, une histoire de la Bible, qui est probablement l'histoire la plus douteuse que je connais de la Bible. Donc, je me disais, c'était peut-être à propos d'en parler ce soir. Donc, je sais pas si... certains d'entre vous connaissent le personnage qui s'appelle Lot, qui est le cousin d'Abraham. Oui, Tommy, ça c'est quoi, ouais. Ouais, ben il y a pas, ses filles sont encore plus fuckées que lui, mais ça on va en venir plus tard. Ouais, lui il est vraiment pas tant. Tu le diras plus tard ça. Donc il était une fois un homme qui s'appelait Lot qui vivait paisiblement avec sa femme et ses deux filles dans une ville qui s'appelait Sodome. Donc un jour, Dieu décidait d'envoyer deux anges à la rencontre de Lot à Sodome. Là, quand je parle d'ange, OK, on parle plus d'un look style Nicolas Cage dans City of Angels avec le trenchcoat noir, là. Pas la petite fille innocente avec des ailes qui mange Philadelphia dans un nuage. Donc, eux autres s'en vont, ils vont rencontrer Lot, tout ça. Et donc, en fait, Lot, ils les accueillent, puis bon, venez ici. Ils pensaient que c'était juste des visiteurs, en fait. Il est très hospitalier avec lui. Mais là, pendant qu'ils partageaient le repas, puis que la vie était belle, tout ça, toute la ville de Sodome, hommes, femmes, enfants, se ruèrent devant la porte de Lot. Cognent à la porte. Lot répond. Allô? Et là, un des habitants dit à Lot: sont où les deux visiteurs qui sont venus chez vous? On veut les violer! Donc, ça, Lot qui voit ça, ben là, non, ne commettez pas le mal, mes chers compatriotes. Ne touchez pas ces deux visiteurs. Regardez, j'ai deux filles ici, sont encore vierges. Faites-en ce que vous voulez. C'est-tu encore une bonne personne, Bruno? Donc, ouais, il a sauvé les anges. Mais les anges n'avaient pas besoin d'être sauvés parce que les anges, tout d'un coup, un peu comme un ninja dans un film de Godfrey Hall, et frappe tout le monde d'aveuglement. Ferme la porte. Et là, finalement, l'histoire s'est finie là pour maintenant. Il dit à Lot, regarde, on est des messagers de Dieu. On est là pour vous dire que Sodome va se faire décrisser big time à soir. Fait que... Donc, suivez-nous, là. Faut que vous vous sauvez bien loin. Mais une affaire qui est bien importante, puis ça, Dieu nous l'a rappelé, là. Alors, regardez jamais en arrière pendant que Dieu, genre, va détruire Sodome. Donc, comme par magie, ils sortent en s'envolant, loin de la ville, pour qu'ils s'en aillent se sauver, tout ça. Et pendant ce temps-là, Dieu fait pleuvoir une pluie de soufre et de feu et de désespoir et de souffrance et de tout ce que vous voulez sur Sodome. Donc, pendant que ça arrive... Ouais, c'est comme l'Afrique à tous les jours. Exactement, comme ton correspondant. Donc, pendant que ça arrive, tout ça, comme de raison, la femme de Lot, elle écoute pas ce que Dieu dit. Tu sais, c'est ça, les femmes, ça écoute pas. Donc, pendant que la destruction tombe sur Sodome, elle a servi pour regarder ce qui se passe, tu sais. Ça, c'est comme quelqu'un qui est en haut, genre dans les hauteurs, il dit, regarde pas en bas. C'est clair, il va regarder en bas. Fait que c'est ça ce qu'elle fait. Et donc, c'est ça, comme de raison, vu qu'elle n'avait pas le droit, elle est transformée immédiatement en statue de sel. Fin du premier acte. Le deuxième acte est encore plus le fun. Donc, plusieurs jours plus tard, Lot se retrouve seul dans une caverne avec ses deux filles. Et donc, c'est ça, ça fait plusieurs jours tout ça. Et là, les deux filles, je sais pas, ils ont une montée d'hormones, disons. Ça leur tente de connaître un homme. Quand je dis connaître, là, c'est pas juste comme connaître dans le sens à nous. Connaître dans le sens biblique, ça veut dire fourrer. Fait que si vous voyez le verbe connaître dans la Bible, ça veut dire fourrer. C'est tout aussi simple que ça. Des connaissances, là, c'est des fuck friends. Exactement, Tommy. Donc, les deux filles se parlent, puis font comme... Tu sais, là... On est seul dans la caverne avec notre père. Il n'y a aucun homme autour pour nous connaître et faire une descendance de nous. Donc, hey, on a une idée. On va aller saouler notre père, ben raide, puis on va en profiter. Donc, la première nuit, c'est les deux filles font boire le père. T'sais, demandez-moi pas d'où vient le vin ou d'où vient l'alcool qui ont trouvé ça. Ils l'ont trouvé. T'sais, dans la Bible, tout est possible. Ouais, c'était ça le plus simple. Donc, ils saoulent le père. Pis là, il devient vraiment, vraiment sous. Mais tu sais, quand je dis sous, je suis vraiment sous. Tu sais, encore plus sous, genre, que Tommy qui mange sa barbe à un souper presque parfait, là. Vraiment sous, là. Je suis content que ça ait fait réagir, ça. Ouais, je le sais, ça paraissait. Donc, il est tellement saoul qu'il se rappelle même pas de quand il s'est couché puis quand il s'est levé. Puis pendant ce temps-là, ben, l'aînée, elle, elle s'est donnée à cœur joie avec son papa. Ouais. Je vous mens pas, là, c'est vraiment écrit dans la Bible. Genèse chapitre 19, vous checkerez. ouais. Et donc, après ça, ben, les deux filles se parlent. Ouais. Ah, il y a bien d'autres fois que c'est consanguin aussi là-dedans, mais ouais. Ouais, exactement. Et donc, après ça, le lendemain, les deux filles se parlent. Tu sais, l'aînée dit à la plus jeune, « Hier, j'ai couché avec papa pendant qu'on l'a fait boire. » « Je le sais, vous l'avez fait ensemble, tabarnak. » Fait que la deuxième nuit, ils refont encore la même affaire. Tu sais, il a pas catché, lui, là, encore. Donc, c'est ça, ils font boire encore, puis il est encore bien saoul. Il se rappelle pas encore de quand il s'est couché, puis quand il s'est levé. Puis là, c'est la plus jeune qui s'est appelé père. Ouais. Et donc, l'histoire finit que... Mais en fait, les deux femmes sont tombées enceintes tous les deux de leur père et ont donné naissance à deux peuples qui entourent aujourd'hui Israël, c'est-à-dire les Ammonites et les Moabites. Et donc, c'est comme ça que ces gens-là, c'est grosso modo, en fait, la Jordanie d'aujourd'hui, là. Donc, c'est de là qu'ils viennent. Donc, maintenant, vous pourrez dire à des Jordaniens que selon la Bible, ils sont d'origine incestueuse. Joyeux Noël, tout le monde! C'était Jacques Souhaite, mesdames et messieurs. On accueille maintenant quelqu'un qui fait des chroniques à 70% depuis très longtemps. J'ai nommé Mathieu Boudreau, mesdames et messieurs. Très longtemps, très longtemps, très longtemps, très longtemps, très longtemps. Je fête mon anniversaire de très longtemps. D'ailleurs, Facebook me le rappelle tous les jours. J'ai un souvenir de ces moments. Il y a quelques jours, on fêtait nos 4 ans ensemble. Nos 5 ans, pardon. 4 ans, c'était 5 ans. Nos 5 ans. Ouais. C'est comme ça. Non, je suis pas bandé. C'est malade, hein? Hey, j'en ai des choses à dire, mais je vais me concentrer sur un conte. si je te cite à soir, ce n'est certainement pas pour te dire que l'année de cul qu'on a eue a été autre chose que de la marde. Non. Certains, je ne te dirai pas ça. Je suis pas ici pour distribuer des guns. On ne jouera pas à la roulette russe. Non, monsieur. Je vous veux content, souriant, puis enjoué. Hein? C'est-tu clair, ça, Calis? Va chier, toi, avec ton enthousiasme. Non, mais c'est vrai. Tout le monde le sait que les libéraux font semblant que ça va mal dans le public pour privatiser. Tout le monde le sait que dans les CHSLD, les vieux sont traités de manière négligée. Et je pèse mes mots! Tout le monde le sait que les banques nous enculent, que le bio, c'est juste une autre marque, que la SAQ nous vend 3 fois trop cher nos alcools. On s'en est tous aperçus qu'à un moment donné, Pokémon Go, on fait le tour. Non, si je te cite, c'est pas pour être triste que les artistes meurent. Si je te cite à soir, c'est pour vous raconter une histoire. Ouais, t'es aussi bien de l'arrêter. Non, arrête là ta crise de musique, merci. C'était mon cue. Une histoire que mon père me racontait, qui lui était arrivée hein, quand il avait 9 ans ou 7, 12, une fois il a dit 22. L'important, c'est qu'on s'en calisse. Parce qu'il y a une belle morale. Parce qu'il était pauvre. Il était pauvre en crise, mon père. Lui, il était tellement pauvre, il n'avait pas les moyens de se payer ça, là, des dates de naissance. On n'a jamais su quel âge il y avait le bonhomme. Mais une chose est sûre. Ce soir-là, ce soir-là, son père y avait décidé que c'était le plus vieux qui allait aller vendre des allumettes au petit commerce familial. Commerce familial hein, qui se situait à l'entrée d'une ruelle entre un magasin de jouets trop cher et un salon de massage et qui consistait à quêter. Pourquoi le plus vieux? Parce que le plus vieux, il sait en esti ce qu'il l'attend s'il ne fait pas de job. Puis que le bonhomme, ben, il voulait sa bouteille de gin pour minuit. Hein? Comme il disait, « Noël ou pas, ma boîte tabarnak! » Oui, des principes durs. Ouais. Mais on était en 1900 tranquille, hein? Pas en 2000 débile. Ouais, cette année, là, 2016, maintenant. Écoute, je pourrais faire des jeux de mots comme ça toute la soirée, mais c'est une autre carte sur laquelle je suis rendu. Bref, Papounet était le plus vieux, hein? Ce qui ne l'empêchait pas d'avoir fret en tabarnak entre les deux bâtisses. Ça coupait pas ben ben du vent de Noël, ça, monsieur. Fait qu'à force d'avoir fret, hein, puis de se faire dire « Ben voyons donc, des allumettes à 5 cents le paquet, tu me prends-tu pour un millionnaire? » Mon père s'allumait des allumettes, hein, pour essayer de se réchauffer à la fois le cœur et les extrémités. Et ça a attiré l'attention d'un jeune d'à peu près son âge. Il était tout bien habillé, là, propre en bleu, pâle, tu sais. Le jeune, il était en train de regarder la vitrine du magasin de jouets trop cher quand il s'est retourné vers sa mère pour lui demander Mais maman, pourquoi ce jeune, il doit vendre des allumettes habillées en guenillou alors que moi, j'ai tout? Sa mère en gros manteau de poêle, elle se met à hurler « Ben voyons, Dominique Vincent, là! Tasse-toi d'à côté du pouilleux, tu pourrais pogner sa maladie d'être pauvre! Puis t'exposer à autant de microbes, mon chou, je vais être obligé de te passer au détecteur de métal quand on va arriver. Imagine le temps maman va perdre! » Et c'est là, c'est exactement là qu'elle est arrivée, hein? Elle a tourné le coin de la rue puis elle est rentrée drette dans Dominique Vincent. La magie de Noël. C'est bon, je l'avais écrit gros. Non! Non, maman, je n'achèterai pas ces jouets hors de prix avec ce 200 000 $ que tu m'as donné. Je vais donner 20 $ à ce miséreux. Et ceci. Et là, il a fouillé dans sa poche et il a sorti une craie. Une craie bleue. Je vais te demander de sortir, s'il vous plaît. C'est moi qui fais les blagues plates ici. Une craie bleue, hein? Sûrement parce que c'est un garçon. Dans le temps, il y avait les genres, hein? Ben, crois-moi pas. Ouais, à cette heure, ça n'existe plus. Crois-moi pas. Ému jusqu'à la moelle, hein, d'un tel élan de solidarité humaine, la mère de Dominique Vincent l'a pris dans ses bras. Elle l'a serré tellement fort. Elle l'a remercié d'exister. Puis est entrée dans le magasin de jouets trop cher. Elle a sorti son revolver, un Magnum 350, puis elle s'est éclatée la tête! Il y avait du sang partout sur le mur. La fucking magie de Noël. On sait pas trop pourquoi c'est arrivé. On se dit sûrement la magie de Noël a reflété trop fort sur la dame. Il y a quelque chose, elle se sentait coupable. Chacun ses combats. Ce soir-là, mon père est revenu à la maison avec 20 $ moins une bouteille de gin. Dans le temps, c'était quand même 19,95. Une craie, puis un nouveau petit frère, Dominique Vincent. Ben, tu sais, il n'y avait plus de mère, là, c'était suivi. Mais ils l'ont vite renommé Bobby, hein, parce que selon le bonhomme, c'est moins fif. T'sais, on était à une drôle d'époque, là. Et grâce à la craie, ben, cette nuit-là, hein, la famille de mon père a pu oublier l'instant d'un moment qu'ils étaient fucking pauvres. En effet, mon père leur a dessiné un sapin, une dinde, une table, tu sais, un réveillon. Ils ont tous mangé de la craie et sont allés se coucher en éternuant. Les éternuements de Noël. Encore aujourd'hui, hein, bien des années après la mort brutale mais nécessaire de mon paternel, je garde cette craie précieusement dans un tiroir, mon tiroir juste à côté de mon lit, hein, naturellement, à côté de ma boîte à drogue. Qui, elle, est située à côté de mon vibrateur. Bon, voilà. Ben non, ben regarde, on est en 2016, là. Papa! Papa, pourquoi tu gardes cette craie-là? C'est une intéressante question, fiston. Ben, j'aurais pu le dire par là, là. Mon fils, c'est une métaphore. Ben, fiston, si je garde cette craie-là, c'est pour me souvenir que même si j'ai jamais une calice de scène, ben, je serai jamais pauvre. Hein? Je serai jamais pauvre. Pourquoi? Parce que j'ai de l'imagination. Voilà. C'était cette morale délicieuse de Noël. Je vous laisse, je m'en vais me dessiner un lendemain de brosse. Une bonne main d'applaudissement pour Mathieu Boudreau, mesdames et messieurs! Alors, je vous invite à venir me voir si jamais il y en a d'autres qui veulent venir présenter quelque chose en avant. On a encore un petit peu de place. Et on accueille chaleureusement Florence Payette, mesdames et messieurs. Bonsoir. Bonne fête de Justin Trudeau de Noël à tous. Merci. Merci. C'est fin. C'est fin, merci. C'est gentil. Ma chronique commence par le fait que je me suis souvent fait reprocher de critiquer des films qui sont trop poches. Genre deux critiques, là, c'est correct. Là. Fait que je l'ai pris un petit peu personnel, fait que j'ai décidé de critiquer un chef d'œuvre de Noël, c'est-à-dire It's a Wonderful Life, le film de 1946, et de vous dire ce que j'en ai appris. Alors, l'histoire, on suit l'histoire de George Bailey, un homme qui a fait trop de gaffes dans sa vie et préfère mourir au lieu de faire faillite. Sur un pont, se décidant à prendre sa retraite de la vie, il sauve un autre tata qui a eu la même mauvaise idée et qui patauge comme un tweet dans une rivière glacée. Ce tweet s'avère à être l'ange gardien de George, venu sur Terre pour devenir un vrai ange et aider George en deuxième recours. Alors, on a notre équipe qui est Donna Reed en tant qu'épouse et James Stewart en tant que George, pour ceux qui les connaîtraient. Et voici ce que j'en ai appris. Quand on prie le soir, ce sont les galaxies qui nous entendent. D'ailleurs, on sait que les galaxies parlent parce qu'elles s'éclairent à chaque fois qu'elles parlent. C'est un truc de 1946, je pense. Pour aider un homme suicidaire, il faut envoyer un ange au QI d'une carotte. Fait que vous le saurez pour la prochaine fois. La vie en 1945 se passait en noir et blanc et en flashback. Travailler dans un magasin général à faire des milkshakes attire toutes les petites filles chippies dans ta cour. Dire à ton kick que t'aimes pas la coconut va lui donner l'idée étrange de te faire vendre la coconut sous pression. Empêcher quelqu'un de faire un meurtre témérique des claques sur la gueule. Vouloir embrasser une fille donne des crises cardiaques au père banquier. Chicaner un vieux monsieur le fera summoner un écureuil pour le consoler. Je vais essayer de chicaner un vieux monsieur ce soir. Crier après ses enfants la veille de Noël attendrira le cœur de ta femme. Embrasser son fils en pleurant le fera roter. Dire que tu es un ange de seconde classe fait fuir les gardiens de sécurité. Pour ceux qui voudraient voler une banque, c'est peut-être un conseil à suivre. Exaucer un souhait fait vanter. Fait quand tu vas vanter dehors, vous saurez qu'il y a un beau gros lot de souhaits qui a été exaucé. Sauver son frère d'une mort certaine changera le monde et même la Deuxième Guerre mondiale. Sauver des frères, tout le monde. Ben oui. Ouais, mais tu sais, sinon t'as peur. Fait que sauve des frères. Ne pas épouser la femme de tes rêves la transformera en vieille grébiche. Dans les années 1945, fuir la police en courant te fera te faire tirer dessus. Pas juste en 1945. Hein? Tu sais que tu es le gentil quand tu t'acceptes pas d'enveloppe brune, mais que tu les perds. Les anges qui n'ont pas encore gradué ont un humour de petit fendant et un grand cœur. s'habiller chic, ça te fait mal jouer. Puis tes voisins, ils vont te donner 8 000 $ si tu rentres chez vous en criant. Ça fait que moi, je vous dirais, sur ce, allez voir It's a Wonderful Life, Wonderful Life, malgré le fait que j'ai tout appris ça. C'est un classique, c'est un chef-d'œuvre, c'est cute, il y a de la belle musique, puis c'est en noir et blanc. Allez-y. C'était Florence Payette, mesdames et messieurs. Hey, on s'arrête pour une petite pause de 5 minutes où est-ce qu'on va mettre des clips, puis après, on va vous revenir toujours au cabaret de Noël. Il va y avoir un quiz après la petite pause. Je vous en dis pas. Ouais! Je vous en dis pas plus. A wicked, scary, great dismay. Remember, great Cthulhu shall rise upon the day to kill us all with twin trials. We should ground this way. All died in some madness as walls of madness and love. All tidings of madness as songs, all tidings of madness and woes, madness and woes, all tidings of madness and secret woes. An Erisan that is not dead, an eternal lie, and with strange eons you will find that even death can die. The great old ones will move on, all will be destroyed, all tidings of madness and woes, madness and woes, all tidings of madness and woes. Un message rempli d'espoir, et l'espoir, c'est nous, la couleur de Noël, c'est rouge. Je veux maintenant, c'est de voir sourire mes enfants, passer du temps en famille, complice de ces yeux qui brillent. Tout ce que je veux pour moi, c'est dans leur cœur plein de joie, et la joie c'est nous, la couleur de Noël, c'est rouge. Ce beau temps de l'année, que ce Noël vous soit doux, plein d'émotions au rendez-vous. Tout ce que je veux dans ma vie, prendre du temps pour dire merci. je veux pour Noël de l'amour, des étincelles. Tout ce que je veux pour Noël, une neige tombée du ciel. Tout ce que je veux ce soir, un message rempli d'espoir. Et l'espoir, c'est nous, la couleur. Mesdames et messieurs, il y a une tradition aussi qui est vieille comme le monde, si le monde avait un an. À chaque fois qu'on fait le cabaret de Noël à Douteux ici, on vous offre notre version. De piment fort de Noël, ouais. Animé par l'unique Jonathan Simon. S'il vous plaît, on l'applaudit, ben oui. Merci beaucoup, bienvenue à la version douteuse de Piment Fort. Mes avocats ne voulaient pas que j'appelle ça Piment Fort, mais je sais pas trop pourquoi, en tout cas. On accueille Florence Payette, Kevin et Simon Portalance. Salut, est-ce que ça va bien? Ouais, ça va super. On n'a pas le temps! Alors, on va commencer tout de suite. On va y aller. Je vais tenir mon livre. Ça, c'est le grand livre des quiz. De Noël, merci. Alors, on va jouer au slogan. Alors, vous devez associer les slogans que je vous nomme à quelque chose ou quelqu'un. OK. Sweet. Ça me va. Donc, on commence avec C plus que du bonbon. Les pastilles dans les toilettes du brouhaha. C'est plus que du bonbon. Des caps de PCP. C'est plus que du bonbon. Le compte Facebook de Marie-Chantal Poutoupin. La perfection au masculin. Michel Blanc. La perfection au masculin. Le vin. La perfection au masculin. Pierre Duquette. je le connais, ce gars-là. Il est mort en tabarnak. As-tu ça en toi? As-tu ça en toi? Un deuxième rein. As-tu ça en toi? L'esprit de Justin Trudeau de Noël. Oh! As-tu ça en toi? C'est clair, du fromage. On connaît les enfants par cœur. Les pédopsychiatres. On connaît les enfants par cœur. Paul Cagelet. On connaît les enfants par cœur. Guy Cloutier? Je savais qu'on irait là. On peut pas demander mieux. On peut pas demander mieux qu'une vasectomie dans le temps des fêtes. Ok, ouais. C'est pas ce que j'avais écrit, je me souvenais pas. Ouais, c'est vrai. On peut pas demander mieux. Moi, je mettrais un point d'interrogation puis je dirais l'épinette de Montréal qui sort de sapin de Noël. Ouais, ouais. On peut pas demander mieux. C'est évident. Bundock puis The Box, c'est le meilleur band au monde. OK, on passe au vote. Mettons la main pour Simon, le point pour Florence puis un pouce dans les airs pour Kevin. Oh boy. Pourquoi t'as pas fait des petits cartons? Ben, j'ai pas eu le temps. Oh! Le piment imaginaire va à Simon Portalance. Wouh! Alors, on va jouer à un deuxième jeu et c'est là que Mathieu rentre en scène. On va jouer à... Attends, comment ça s'appelle? On va jouer au porte-parole. Alors, j'ai des porte-paroles ici d'un côté et j'ai des produits qu'ils pourraient représenter de l'autre. Alors, vous avez le choix entre des porte-paroles de chaque catégorie. On a Donald Trump, Philippe Couillard et Justin Trudeau. Catégorie, ils ne sont pas décédés en 2016. Pas encore. On a Éric Lapointe, Marie-Chantal Toupin et Martin Deschamps. Catégorie, des caps lock sur Facebook. Ben, peut-être pas Martin Deschamps. Puis Éric Lapointe, il chante juste en caps lock. Puis Jérémy Gabriel, Richard Martineau et Anne-France Goldwater, catégorie « Ça coûte cher faire des jokes dessus ». Les produits, on a Léon, V8, Tampax, Multiluminaire, Poulet Free Kentucky, New Look, Cheese Whiz, Notre Vin Maison, Dr. Pepper et Volkswagen. On commence avec Simon. OK, moi, c'était la catégorie en bas, c'est ça? Oui, oui, oui. OK, je vais prendre Richard Martineau. OK. Puis, attends un petit peu. Avec V8, Richard Martin avec V8, parce que les deux ont une portion de légumes. je vais prendre Richard Martineau avec Multiluminaire, parce que les deux se pensent brillants. Richard Martineau avec Poulet Free Kentucky, parce qu'il y en a un qui me fait plus chier que l'autre. Richard Martineau avec New Look, parce que les deux aveuglent la population. Oh. Puis c'est quoi le dernier que je pourrais dire? Ce dernier est tough. Hein? Oui, je vais prendre Richard Martineau avec Tampax, parce qu'il devrait s'en crisser un dans le cul. Ouais! On va y aller avec Florence maintenant. Qui as-tu choisi? Moi, j'ai la catégorie Il leur reste 6 jours avant 2017. Fait que je vais prendre Donald Trump. Donald Trump. Donald Trump, puis Léon. Léon. Parce que ça, parce que Donald Trump, il a l'air d'être fait en cuir. Je vais prendre aussi Donald Trump avec Tampax, parce que si c'est ça que ça me prend pour qu'il me pogne pas la noune, je vais prendre ça. Je vais prendre aussi Multiluminaire, parce que ça va y en prendre un shitload pour avoir l'air brillant. Puis je vais prendre Cheese Whiz, parce que ça a l'air d'être une personne faite de 100% d'atomes de Cheese Whiz. Du Cheese Whiz laissé sur le comptoir. Je vais aussi prendre notre vin maison, parce que ça va m'en prendre beaucoup pour oublier qu'il y a les codes des missiles nucléaires. C'est triste, mais c'est une note douce amère. Let's go. On va y aller avec Kevin maintenant. Qui c'est que t'as choisi? Ça va être Éric Lapointe, Marie-Chantal, Toupin puis Martin Deschamps. Ça va être bien simple. Cheese Whiz, notre vin maison puis poulet frit Kentucky. Parce que, arc, c'est dégueulasse puis ils me font chier. Ça résume tout. On passe au vote. La main, le poing ou le pouce dans les airs? C'est vrai, OK, l'autre bord, ça a l'air de quoi? Je vois pas grâce. Je pense que ça va à Florence. OK, et notre... Merci beaucoup à Mathieu pour avoir pris le carton. Alors, on va jouer à un dernier jeu qui s'intitule « Les cachets de Saint-Hubert ». Alors, je vous nomme une personnalité et vous me dites à qui cette personnalité-là donnerait son cachet si elle jouait dans une annonce de Saint-Hubert. On commence avec Vladimir Poutine. Ah, moi, je le sais. Oui. À Donald Trump qui donnerait son cash. Oh, des bros. C'est des bros. Vladimir Poutine. Moi, je dis frites à l'or, parce que c'est le seul restaurant à Montréal qui a compris qu'on peut conquérir le Canada avec la gastronomie et qu'il y a une poutine qui s'appelle Vladimir. Moi, ça ressemblait à ça. Il donnerait ça à Belle Province pour qu'il crée la Vlad Poutine. Oh. On aurait dû se consulter sur nos gags avant. Dommage. À qui Macaulay Culkin donnerait son cachet à... À lui-même. On lui souhaite. À son agent, parce que je pense qu'il en a de besoin là, en ce moment. À Opération Enfant Vedette. Ça, c'est pour les tenir loin de la drogue quand ils sont jeunes. Des fois, Opération Vedette, je trouve qu'ils font plus pitié qu'Opération Enfant Soleil. À qui Paul Cagelet donnerait son cachet? Au CPE de Montréal. Enfant soleil? Il donnerait son cachet pour les gens en prison pour pas qu'ils se fassent péter à scène. Il y a une fondation pour ça! Chris! Ben, c'est pas une fondation! Faut investir! Là. Ça va donne être la fondation son cash de Paul au Cagelet. Monde. Non, abuse-moi pas, puis donne 20$. Là, il donne des 20$ à tout le monde. Là, il y a une petite scène. Quand je l'ai, il y a une petite scène. Ben, comment tu veux qu'il s'en rentre là-dedans? T'as l'air de savoir comment ça se passe en prison. C'est tellement beau de voir ça. À qui Gaétan Barrette donnerait son cachet? À lui-même, parce qu'il en a besoin lui aussi. Au peuple québécois. aux machines à sous, parce que faut les réparer les routes du Québec. C'était un statut politique, ça. Et finalement, à qui Ariane Moffat donnerait son cachet? À Safia Nolin, parce qu'il faut serrer les coudes entre personnes que Sophie Durocher déteste. Ariane Moffat. Mike Ward? La fondation des lesbiennes grosses? c'est une joke qui représente en plein l'esprit de piment fort dans les années 90. C'est lui-même qui disait qu'il a de l'air d'une grosse lesbienne. Ariane Moffat. À Archambault, parce que ça a l'air que pour gagner des prix et des disques d'or, elle achète ses propres disques. Oh. On passe au vote qui a été le meilleur. Oh, ah, Hitler! Ça va à Simon Portalance, mesdames et messieurs. Hey! Hey, merci beaucoup d'avoir participé à Piment Fort. Je fais des chroniques, on fait tous des chroniques régulièrement au brouhaha, mais il faut avoir 18 ans et plus parce qu'il y a de la boisson! Hey! Merci! Hey, merci beaucoup. Donc on va y aller. C'était le quiz de Piment Fort. On accueille chaleureusement Coralie et Octave, mesdames et messieurs. Joyeux Noël! Maintenant. Là, ça marche-tu? Oui! Ouais. Ah. Ouais. Ah, tout le monde, ça va bien? Yay! Moi et Octave, on s'en va bientôt en voyage. Fait qu'on n'a pas préparé quelque chose de grand parce que, ben, on s'en allait en voyage. C'est beaucoup de temps. Puis, on a demandé, vu que moi, je suis bénévole dans une paroisse chrétienne. Je sais que vous n'étiez pas au courant. Je sais que vous ne me croyez pas. Mais non, mais c'est vrai. On a demandé aux petits-enfants de 7 ans de nous écrire notre chronique, qui était un dialogue pastoral, parce qu'on s'est dit que la foi de Dieu pis tout serait pas assez d'en douteux. Donc, on avait raison. C'est ça. Fait qu'on vous lit ça. Parle-nous de. Alors, on leur a donné des petites consignes pour pas qu'ils se perdent dans la foi de Dieu. C'est quand même vaste et compliqué. Alors, pour écrire le sketch devait commencer avec une situation de non-paix. Donc, un conflit. C'est très important. Ensuite, l'intervention de Dieu qui envoie Jésus et son esprit. La rencontre avec Jésus. La mise en pratique de la paix véritable éclairée par Jésus. La conclusion, donc pour moi, la paix de Noël, c'est... Trois et finalement, le titre du sketch. Alors, voici le sketch qui s'appelle... Donc, il a été écrit par Ghislaine Rigaud-Baudouin. Oui. Elle a 8 ans. Oui, Ghislaine, 8 ans. Ça s'appelle « Au monastère ». Et donc, il y a plusieurs personnages, il y a un narrateur et on va tous faire ça. On va tous. L'histoire d'aujourd'hui s'est passée il y a bien longtemps, au monastère de Benoît. Des moines jaloux de la grande popularité de Benoît décident de l'éliminer. Enfant 1. Ah, je suis tanné que Benoît soit si populaire. Les villageois ne veulent entendre que lui. Ils le suivent partout. Moi aussi, j'ai remarqué ce fait déplaisant. Il n'est pas le seul moine ici. Nous aussi, on existe. J'ai pensé qu'on pourrait l'empoisonner, l'éliminer. Donc ça, c'est la situation de non-paix. Ouais, that is collected quickly. J'ai une idée. Suis-moi! Donc là, ils préparent un breuvage empoisonné et vont à la rencontre de Benoît, qui prie. Il dit, tiens, Benoît, tu dois avoir soif. Je t'offre ce breuvage. Puis, les deux moines repartent tranquillement. Comme Benoît pose les lèvres sur le verre. Dieu! Non, Benoît! Écoute, ne bois pas! Et là, c'est super compliqué. C'est même à l'écrit, cette histoire-là. Alors oui, alors Dieu impose à Benoît de prier. Ce que Benoît fait très bien. Benoît, je vais me retirer dans un autre monastère pour écrire des règles de vie pour les aider à trouver la paix véritable entre les moines. Benoît prend un parchemin et écrit les règles de la vie. Seigneur, inspire-moi. Première règle, ça c'est Dieu qui reparle. Première règle, le père abbé doit montrer l'exemple à tous les moines. Excellente idée, il écrit sur un papier. 7 fois par jour, les moines chantent ensemble les psaumes. Il hoche la tête en écrivant la règle. Tous doivent garder le silence de peur de dire des méchancetés aux autres. Hein? Benoît hoche la tête et écrit. Accueillez les pauvres. Benoît hoche la tête et écrit. Pardonnez. Benoît hoche la tête et écrit. Et chaque nuit, les moines se lèveront pour prier Dieu et goûteront à la paix. Et Benoît continue ainsi d'écrire toutes les règles. Quelque temps après, les deux moines du début du film qui ont entendu parler des règles de vie de Saint-Benoît lui demandent pardon. Donc les deux qui ont essayé d'empoisonner lui demandent pardon et retrouvent la paix dans leur cœur. En conclusion, la conclusion qu'on avait promis au début, la voilà. En conclusion, pour moi, la paix de Noël, c'est... Et là, c'est à compléter parce qu'elle l'a pas écrit. Elle n'a pas fini son devoir. Elle va avoir zéro la crise. C'est ça. Tabarnak! Elle n'a pas fait sa job. Bye! C'était Coralie Laverrière et Octave Savoie-Lortie. Et on accueille chaleureusement Damien Blas-Bouchard, mesdames et messieurs. La vérité existe-t-elle? Existe-t-il un amour capable de transcender celui de Noël? Existe-t-il une imagination quelque part dans l'univers susceptible de créer une autre réalité à travers les cieux? Peut-être pas. Peut-être que vous avez vu le même film que moi. C'est un film qui se passait à Manhattan, dans un centre d'achat. Ce grand centre d'achat, à Manhattan, était occupé par un Père Noël, un vieux monsieur complètement fou, qui disait être le véritable Père Noël. Les gens le croyaient, et les enfants de par le monde faisaient la file pour parler à ce Père Noël. Peut-être était-ce seulement un vieil homme complètement fou, mais toujours est-il qu'il réconfortait le cœur des enfants, et de papa, et de maman. Un jour, un méchant homme venant de Manhattan et de Wall Street dit « Tu n'es pas le vrai Père Noël !» Et à partir de là, le vieil homme dut prouver en cours, comme dans les films américains, qu'il n'était pas le vrai Père Noël. Un jour, un jeune avocat, au bout de 122 jours de procès, sortit un billet de 1$ et dit « Je n'y avais pas pensé avant, mais regardez !» Regardez la devise de notre argent. Le juge, mettant le billet devant la lumière, l'examina, malgré sa presbytie. In God with us, en Dieu nous croyons. Cela veut dire que, même si nous ne voyons pas quelque chose, nous pouvons y placer tout notre espoir. Le Père Noël serait donc vrai. Ce vieil homme dirait donc la vérité. Tout à coup, un éclair descendit du ciel. Un trou pluri-tridimensionnel apparut dans l'espace de la cour et un homme vêtu d'un slip en cuir avec des cheveux blonds environ ici portant une cuirasse à la poitrine sortit d'une épée et dit « I am the master !» C'était l'épée de Noël. L'épée de Noël tenue par Il Homme de son vrai nom. Arnold Sylvester brandit l'épée et dit « Venez, je vais vous montrer la vérité. » Et il pointa un livre. Et dans ce livre, il y avait la Bible. Et dans ce livre, il y avait un Coran. Et dans ce Coran, il y avait le livre des morts tibétains. Et à l'intérieur du livre des morts tibétains, il y avait l'alchimiste de Paulo Coelho. Et à l'intérieur de l'alchimiste de Paulo Coelho, il y avait la trilogie Les Fourmis de Bernard Werber. Et à l'intérieur de la trilogie Les Fourmis de Bernard Werber, il y avait Bernard Werber. Et Bernard Werber m'a regardé dans les yeux, il m'a dit: tu sais, lorsque nous mourons, nous rentrons dans un univers fait de plastique, de conscience et d'atomes. Mais avant, j'aimerais t'emmener dans un pays qui est gouverné par la responsabilité. Bernard Werber crache dans la boue. Il est dans cette boue sur mes yeux. Et alors, je suis plongé dans un rêve et je rentre dans un bain de sel. Bernard Werber ferme la porte. Je suis dans le bain de sel. Et alors, je me transporte dans une cuisine dans Parc Extension. J'ai une famille, mais mon père est mort. Je dois donc assumer la responsabilité du frère et du père en même temps. Qu'est-ce que tu fais? Pourquoi est-ce que tu étends la sauce comme ça? Respecte ta sœur. Respecte ta sœur. Comment tu parles à ta sœur? Je suis ton frère, mais je suis aussi le chef de famille. Non, regarde. Mais pourquoi tu me parles comme ça? Tu fais honte à la famille. Non, pourquoi? Et alors, de la responsabilité émerge l'amour. Et de l'amour émerge l'espoir. Et de l'espoir émerge Ferrero Rocher. Mais avant de nous quitter sur beaucoup de sens, nous allons tout d'abord chanter ensemble sur des thèmes de Noël. Oh, je l'ai vu planer dans le ciel de Noël, un rêve rouge aussi blanc que mon rein qui saigne. Oh, j'ai besoin d'un avenir, j'ai besoin de voir ta voix. Et dans le traîneau, à l'intérieur du cadeau. Puissiez-vous garder espoir. En attendant, peut-être, êtes-vous comme moi, vous n'avez plus espoir, vous êtes moins que vous-même. Peut-être qu'un jour, vous magasinerez dans un magasin, vous verrez, en regardant un provu. Oui, peut-être que vous regardez, en regardant un provu, à l'intérieur d'une bâton, quand l'amoura pourra gonder l'avou d'un... C'était Damien Blas Bouchard avec sa chorale qu'on a vu un peu aussi. Alors, notre prochaine et dernière invitée, c'est... Je suis fatiguée. Oui. Elle est juste là, là. C'est Marianne Tremblay-Gosselin. Monsieur Potvin, est-ce qu'on m'entend? Hop! Oh, hop! Mais ben, c'est Mariam Carré! De Noël! De Noël! Ah! Mais j'ai pas de ukulélé, par contre!

Parce que des fois, on a besoin d'un... Parce que des fois, on a besoin d'un gros câlin de Noël. Alors, c'est ça. Ben moi, je vous dis, découragez-vous pas. Moi, je vous aime. L'important, c'est que les gens qui sont beaux se reconnaissent et qu'ils brillent, qu'ils scintillent, qu'ils rayonnent autour d'eux et qu'ils améliorent le monde à leur façon. Voilà. C'est notre façon de changer le monde. Et joyeux Noël. Voilà. Il ne reste plus de place au sourire des braves gens qui s'en font vraiment baisser les bras, une pause, une seconde, étant convaincu tu les lèveras plus. Crois-tu, j'en suis rompu sur le flanc dans la poussière. Je n'attends plus, mais désormais espère que la vie me braque son arme et qu'elle fasse taire le drame. Ah, ah, ah. Qu'elle fasse taire le drame. Oh, oh. Qui se font de la peine et qui attendent l'apocalypse, que tout s'efface, que tout s'éclipse. Mais pas de frein, sinon le même. De milliers de gens qui se font de la peine et qui attendent l'apocalypse, que tout s'efface, que tout s'éclipse. À l'origine de son malheur, plus on dort, plus on pleure. Plaisir bien égoïste que d'arborer une tête si triste, d'ouvrir ses bras à la douleur, se forer l'homme jusqu'à la peur, en justifiant toute cause à son malheur. On se broie le cœur. On se broie le cœur. Oh, oh, oh, oh, oh. Hey, mais pas de frein, sinon le même. De milliers de gens qui se font la peine et qui attendent l'apocalypse, que tout s'efface, que tout s'éclipse. Hey, mais pas de frein, sinon le même. De milliers de gens qui se font de la peine et qui attendent l'apocalypse, que tout s'efface, que tout s'éclipse. Détrompe-toi, je suis pas sourde à ton appel. Ah, oh, je sais combien la vie peut être belle. Ah, oh, oh, mais pour l'instant je respire mal. Dis juste rien et reste près de moi. Tu vaux bien plus que tu ne le crois. Et tant que je m'accrocherai à ton regard, il ne sera jamais trop tard. Et demain, je te sourirai. Demain, je te sourirai. Je te sourirai. Demain, je te sourirai. Je te sourirai. Je te sourirai, mais pas de frein, sinon le même. De milliers de gens qui se font la peine et qui attendent l'apocalypse, que tout s'efface, que tout s'éclipse. Mais pas de frein, sinon le même. De milliers de gens qui se font la peine et qui attendent l'apocalypse, que tout s'efface, que tout s'éclipse. Mais demain je te sourirai, je te sourirai. Demain je te sourirai, je te sourirai. Demain, je te sourirai demain. Faites de votre mieux de Noël! Marianne Tremblay-Gosselin, s'il vous plaît, mesdames, messieurs. Oui, merci beaucoup. Ce qui nous amène, habituellement, l'horaire n'est vraiment pas le même. Ce soir, on sentait la magie de la reproduction effective d'un certain Justin. Et donc, il n'y a pas de long métrage ce soir. À la place, on va, à partir de maintenant, remercier du fond du cœur Mathieu Potvin à la technique, s'il vous plaît, mesdames, messieurs. Oui. Sans qui rien de tout ceci ne serait possible. Jonathan Simon, qui a travaillé fort toute la journée. Merci à toutes les personnes qui ont eu le courage que Francis Lapalme n'a pas eu. Merci aussi à tous ceux, tous les amis de Noël. À partir de maintenant, je vais baisser l'écran et vous rappeler qu'on est ici lundi prochain pour la rétrospective de 2016. Allez voter sur le groupe de douteux pour choisir le long-métrage de 2016 qui va être le mieux. Ça va changer bientôt, ça va se décider. C'est Hard Target 2, La chasse à l'homme 2 ou Sharknado 4. Fait que choisissez c'est lequel que ça vous tente le plus de voir. Puis on se revoit lundi prochain avec ça. En attendant, je suis tout le temps content quand c'est Mathieu Boudreau qui est VJ et Florence Payette, c'est une des madames que je préfère au monde. On les applaudit, s'il vous plaît, nos deux VJ de la soirée. Je suis pas sûr qu'on va se reparler parce que quand que ça sera plus les VJ, on va commencer du karaoké puis je vais être sous. Je risque d'être facile, genre. C'est bon. Feu! La la la la la la la la la la la la la la la. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Radio H2O. Follow us!